Section 1 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Johan. Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Formation des grands États, 1270-1492. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 1. La royauté française sous les derniers Capétiens directs, 1270-1328. Première partie. Le règne de Philippe le Hardi par Alfred Coville. Philippe III et les gens du roi. Les temps qui correspondent au règne de Philippe III le Hardi, de Philippe IV le Bel et de ses fils, de 1270 à 1328, furent considérables pour l'avenir de la royauté française et le développement de ses institutions. Après le gouvernement de Louis IX, qui était en même temps un gouvernement très personnel et un gouvernement de justice, de paix et de vertu, l'aspect de cette royauté changea. Elle fut, pour de longues années, aux mains de personnages muets, impassibles et vagues, dont le rôle est effacé, incertain. Par un contraste curieux, alors que le rôle personnel des rois, leur action individuelle, s'estompent et s'éteignent dans un mystère presque impénétrable, les progrès du gouvernement et de l'administration royale continuent plus énergiquement que jamais. L'évolution qui doit amener le triomphe exclusif de la royauté avance à grands pas. On connaît à peu près le fils de Saint-Louis, Philippe le Hardi, autant qu'il mérite d'être connu, assez en tout cas pour justifier son effacement. Les historiens ne parlent guère de lui, on l'appelle le Hardi sans savoir pourquoi. Il reçut, dit son récent historien, une éducation sévère et virile. Le roi, son père, lui faisait suivre avec assiduité messes, matines, heures et plein chants. Au fond, c'était une nature assez ingrate, un enfant docile, sans flamme et sans curiosité, très obéissant, imitant et suivant son père, ayant pour lui une admiration et un respect un peu trop craintifs et humbles. Dans cette obéissance, sa volonté s'était brisée. Comme roi, il eut quelques-unes des qualités de Saint-Louis, mais non les principales, les plus utiles à un roi. Il fut ce que son éducation l'avait préparé à être, infiniment pieux. Il était généreux, distributeur d'aumônes, mais à l'excès. Il donnait sans mesure ni discernement, par faiblesse. C'était un vrai chevalier. Il était beau, vaillant, se livrait avec ardeur à la chasse au loup ou au sanglier, au tournoi, aux passes d'armes. Tout cela ne suffisait pas pour soutenir un grand règne. Il y eut alors quelque chose de nouveau. Les gens du roi remplacent le roi. Il semble que les intérêts du pouvoir royal aient été déposés entre leurs mains et que, sous le patronage lointain du roi, ils soient chargés de conduire l'œuvre de ses prédécesseurs. Sous Philippe III, les directeurs de la politique royale n'ont encore ni l'activité ni surtout l'audace que montreront bientôt les Nogaret, les Flotte, les Plaisians. Mais ils existent déjà. Le premier fut Pierre de la Brosse, de petite naissance, attaché à l'hôtel du roi, chambellan à la mort de Louis IX. Philippe III lui accorda 1000 faveurs, des domaines, des droits. Il était, dit Baudouin d'Avennes, à tous les conseils du roi, toutes les heures qu'il voulait, et quand les barons avaient conseillé au roi ce qu'il savait être bon, s'il ne plaisait à Pierre, leurs conseils n'étaient pas suivis. On ne peut que rarement constater les effets de cette autorité. Mais le temps qui correspond à son principat, de 1270 à 1278, fut la partie la plus active et la plus fructueuse du règne. Au reste, sa puissance ne fut pas éternelle. Sa chute fut aussi grande que son élévation. Il eut deux redoutables ennemis. La noblesse féodale, qui sentait tout le danger de l'établissement de ces hommes nouveaux près du roi, et la reine Marie de Brabant. Les circonstances de sa disgrâce furent très compliquées, étranges et romanesques. Le roi fut circonvenu. On agit même sans lui. Le 30 juin 1278, Pierre de la Brosse fut pendu comme un larron au gibet de Montfaucon. Pierre de la Brosse disparut, on saisit encore mieux toute l'importance des gens du roi. Ils sont silencieux, mais actifs. Il est aisé de les découvrir au-dessous du monde brillant des favoris et des princes, remué de révolutions soudaines, dans le monde sage et solide des clercs de roi et des chevaliers juges, Langlois. Ces véritables conseillers de la couronne avaient vécu près de Louis IX. C'était le même personnel. Mais Louis IX les avait dominés et conduits, et maintenant ils dominaient et conduisaient le roi. À leur tête était Mathieu de Vendôme, abbé de Saint-Denis. C'est lui qui fut investi de la régence pendant la guerre d'Aragon. Il régnait en France, dit une chronique normande, tout se faisait à sa volonté. Autour de lui se groupaient les clercs du roi, qui devenaient chanceliers, trésoriers, conseillers. Parmi les laïcs, le plus important était Étienne de Beaumarchais, chevalier sénéchal de Poitou, d'Auvergne et de Toulouse, gouverneur de la Navarre, homme de guerre et administrateur. Politique de Philippe III. C'est au camp de Carthage que Philippe III était devenu roi de France, le 25 août 1270. Il fallut liquider cette malheureuse croisade d'Afrique qui venait de tuer Louis IX. Charles d'Anjou, qui avait entraîné les croisés en Tunisie, les décida à en partir. Un traité honorable fut conclu avec le sultan, puis l'armée française s'en revint lentement par la Sicile et l'Italie, décimée le long de la route par la maladie et la misère. Le jeune roi ramenait 5 cercueils, ceux de son père, du roi de Navarre, de son frère, le comte de Nevers, de la reine, sa femme, et de son fils. Ce fut seulement le 21 mai 1271 qu'il rentra dans Paris. Le nouveau roi se donna tout d'abord aux affaires sérieuses et urgentes du royaume. Il vint, au printemps de 1272, imposer sa paix au baron du Midi et réduire à merci le comte de Foix, qui avait méprisé son autorité. Roger Bernard fut enfermé dans une tour de Carcassonne. Un sénéchal fut installé, au nom du roi, dans son comté. Ce fut d'un salutaire exemple. En Aquitaine, contre Édouard Ier, roi d'Angleterre, Philippe III soutient toutes les révoltes et reçoit tous les appels à sa suzeraineté. Devenu l'arbitre de toutes les difficultés, il donne ainsi le secours de sa justice à la vicomtesse de Limoges et à Gaston de Béarn. En même temps, ses officiers empiètent sur la terre d'Empire, dans la vallée du Rhône et dans celle de la Meuse. Le 2 décembre 1272, l'archevêque de Lyon prête le serment de fidélité au roi de France, dont la suzeraineté plana désormais sur cette grande métropole de l'ancienne Gaule. Mais les projets chimériques, les rêves hasardeux, commencèrent bientôt. Un prince ambitieux et subtil sut à merveille les entretenir et les exploiter à son profit. Ce fut Charles d'Anjou, oncle de Philippe III, le roi de Naples et de Sicile, le mauvais génie de la race capétienne à la fin du XIIIe siècle. Son égoïsme hardi abusa jusqu'à la mort de la tendresse, de la dévotion ou de la faiblesse de deux rois de France. Cela commença par un rêve d'empire. Le roi de Naples voulut faire de Philippe III un César germanique, un successeur de Barberousse. Le pape Grégoire X s'y employa vainement. Rodolphe de Habsbourg fut élu le 1er septembre 1272. À défaut de l'empire, l'idée de la croisade fut reprise avec une grande ardeur. Le 7 mai 1274, le pape ouvrit à Lyon un concile œcuménique où l'expédition sainte fut solennellement prêchée. Le pape devait la conduire. Philippe le Hardi avait promis de partir. Le jour du couronnement de la reine Marie de Brabant à la Sainte-Chapelle, 28 juin 1275, le roi, les princes, les plus hauts barons reçurent l'insigne sacré. Jamais cependant il n'y eut la moindre tentative sérieuse de départ. Philippe III ne devait faire qu'une seule croisade contre des chrétiens, contre le roi d'Aragon. Philippe III et les royaumes espagnols. Si le roi de France ne partit pas, c'est que les affaires d'Espagne le retinrent. C'est que Charles d'Anjou eut besoin de lui. Les 10 dernières années du règne furent remplies par une politique compliquée et presque toujours malheureuse. Les difficultés éclatèrent d'abord en Navarre. Henri III de Navarre, mort en 1274, laissait pour lui succéder une veuve, Blanche d'Artois, et une fille de 3 ans, Doña Juana. Deux voisins avides, les rois de Castille et d'Aragon, abusant des circonstances, élevaient toutes sortes de prétentions. La cour de France fut le refuge de la mère et de la fille, et un mariage unit bientôt la très jeune héritière de la Navarre au fils aîné de Philippe le Hardi. C'était l'intervention française. Elle ne fut pas acceptée sans peine. Il fallut envoyer d'abord le sénéchal de Toulouse, Eustache de Beaumarchais, puis le comte d'Artois et le connétable de Beaujeu, avec une véritable armée. Cette guerre de Navarre fut du reste efficace. Quand, après la prise de Pampelune, le comte d'Artois parcourut le pays, toute cette terre se tut devant sa face. Septembre 1275. La Navarre devint comme une sénéchaussée du royaume de France. Presque en même temps, une autre veuve espagnole réclamait le secours de Philippe le Hardi. Cette fois, c'était en Castille. Alphonse X avait 2 fils. L'aîné, marié à une sœur du roi de France, mourut, laissant plusieurs enfants, les infants de la Cerda. Don Sanche, le second fils du roi de Castille, fut déclaré héritier du trône à leur détriment. Leur mère, Blanche de France, dut quitter le pays sans le moindre douaire. Les enfants furent enfermés. Pour cette autre veuve infortunée, une seconde guerre fut faite, ou plutôt préparée, par le roi de France, la guerre de Castille. Philippe le Hardi vint, avec une magnifique armée évaluée à 300 000 hommes, jusqu'au pied des Pyrénées, à Sauveterre, par ferme propos à entrer comme ennemi mortel au royaume d'Espagne. Octobre 1276. Il n'y entra pas. Il ne sut ni faire vivre cette énorme réunion d'hommes et de chevaux, ni lui faire traverser les montagnes. La mauvaise saison arriva, on négocia au lieu de combattre. Le roi se contenta de la promesse que fit Alphonse X de soumettre de nouveau la question de l'héritage de Castille au Cortés. Ce n'était pas encore la paix. Les négociations, les trêves, les ruptures durèrent jusqu'à la mort d'Alphonse X et même jusqu'à celle de Philippe le Hardi. Les vêpres siciliennes et la guerre d'Aragon. L'épisode le plus grave de la politique de Philippe le Hardi fut la guerre d'Aragon, due à l'influence chaque jour plus puissante de Charles d'Anjou. Pierre III, roi d'Aragon, avait épousé la fille de Manfred, le dernier des Hohenstaufen de Sicile, la victime de Charles d'Anjou. Sa cour était devenue le refuge de tous ceux qui fuyaient la domination angevine dans le sud de l'Italie. La cour de France était, au contraire, l'espoir de la maison d'Anjou. De plus, en 1281, monta sur le trône pontifical un pape français, tout dévoué au roi de Naples, beaucoup plus préoccupé des querelles de l'Occident que de la véritable croisade, Martin IV. De cette opposition entre l'Aragon d'une part, la France et la papauté de l'autre, devait fatalement sortir un conflit. « Tout l'univers était à penser, dit le chroniqueur catalan Muntaner, le vol que prendrait notre prince avec ses ailes étendues. » Pierre d'Aragon, comme Charles d'Anjou, faisait en effet de grands préparatifs militaires. Le roi de Naples avait de chimériques projets sur l'Empire d'Orient et la Grèce. Mais où voulait aller le roi d'Aragon? En Afrique, contre les infidèles, ou en Sicile, contre les Angevins? La journée des vêpres siciliennes, le 30 mars 1282, dissipe les incertitudes. Après le massacre, les Siciliens voulaient d'abord établir le gouvernement républicain, comme en 1255. Mais tant de dangers les menacèrent qu'ils se donnèrent à l'Aragon. Le roi d'Aragon avait-il été complice des vêpres siciliennes? On ne sait. En tout cas, il en recueillit le profit, fut couronné roi de Sicile dans la cathédrale de Montréal. La guerre avec Charles d'Anjou était à peine commencée quand une solution romanesque du conflit fut proposée et acceptée. Les deux rois se donnèrent rendez-vous à Bordeaux pour le 1er juin. chacun avec 100 chevaliers d'élite. En champ clos, le jugement de Dieu devait décider entre eux. Charles d'Anjou, accompagné du roi de France, grand amateur de ces formes chevaleresques, attendit le jour dit à l'entrée des lys, mais vainement. Son adversaire était venu dès l'aube avec un notaire, puis sa présence constatée s'était enfuie au galop de son cheval. Il fallait donc en revenir à la véritable guerre. Cette fois, le roi de France s'arma pour le roi de Naples. Le pape agissait de son côté avec une singulière âpreté. Pierre d'Aragon était anathématisé et privé de son royaume. Un fils du roi de France devait lui être substitué. L'expédition d'Aragon était assimilée à la croisade. Des décimes ecclésiastiques allaient être levées sur les diocèses de France et d'une partie de l'Empire pour subvenir à cette guerre sainte. Une grande assemblée de prélats et de barons à Paris, le 20 février 1284, approuva l'intervention française. Charles de Valois, deuxième fils du roi, fut investi des royaumes d'Aragon et de Valence. Cette étrange croisade se fit en 1285. Elle fut prêchée à grand renfort d'indulgence. Charles d'Anjou était mort le 7 janvier. Rien ne fut changé. La campagne fut misérable. Philippe III avait été prendre l'Oriflamme à Saint-Denis. Au pied des Pyrénées, il trouva son armée, forte de 100 000 hommes selon les uns, de plus de 300 000 selon les autres. Une flotte de 100 galères suivait la côte. Les croisés pillèrent le Roussillon d'une atroce façon. La ville d'Elne disparut pour toujours, 25 mai. Le passage des montagnes fut laborieux, car elles étaient si hautes qu'elles semblaient tenir au ciel. L'armée se répandit en Catalogne, comme un torrent, jusqu'à Gironne, qu'elle assiégea. De ce jour commencèrent les désastres. Il y eut d'abord de grandes défaites sur mer. De Sicile arrivait une flotte aragonaise deux fois victorieuse. Les Catalans qui la montaient étaient les meilleurs marins de la Méditerranée. Deux ou trois surprises ou rencontres suffirent pour anéantir la flotte française. Le siège de Gironne ne finissait pas, malgré des exploits plus étonnants que ceux de Lancelot. La chaleur était intense, l'armée était décimée par les maladies, surtout par le charbon. Elle fondait à vue d'œil. Il était de toute nécessité de revenir hiverner dans le pays de Toulouse. Le roi sentait les premières atteintes des fièvres pestilentielles. La retraite commença le 13 septembre. Philippe III était porté en litière, on le croyait déjà mort. Le 5 octobre, il s'éteignit, en effet, à Perpignan. Et je vous dis, ajoute Muntaner, qu'ils s'en retournèrent de telle façon que, tant que le monde durera, on n'entendra point parler en France de la Catalogne sans se rappeler des choses terribles. Pour la seconde fois, les intérêts de Charles d'Anjou avaient coûté à la France une armée et un roi. La même année 1285, moururent aussi le roi Pierre d'Aragon et le pape Martin IV. C'était comme une liquidation. Le domaine. À l'intérieur, le travail essentiel de la monarchie capétienne au XIIIe siècle, le point de départ de tous les progrès et de toutes les grandeurs politiques, c'était l'acquisition de la terre et la consolidation du domaine. À cet égard, Philippe Auguste et Louis IX avaient beaucoup réalisé et beaucoup préparé. Le gouvernement de Philippe le Hardi eut d'abord à recueillir les fruits. C'est alors que la grande dot provençale de Jeanne de Toulouse fut réunie enfin au domaine. L'héritière des comtes de Saint-Gilles et son mari Alphonse de Poitiers étaient morts tous deux, à quelques heures de distance, au retour de la croisade de Tunis. Leur immense héritage comprenait les sénéchaussées de Poitou, de Saintonge, de Toulon, d'Albigeois, la terre d'Auvergne, les sénéchaussées de Quercy, d'Agenais et de Rouergue, en Provence le comtat venaissin, en un mot la moitié du Midi. La prise de possession, seisimantum comitatus tolosae, est fort curieuse. Elle nous montre la royauté devenue déjà très administrative et procédurière. Le sénéchal de Carcassonne vint d'abord établir l'autorité directe du roi, instituer de nouveaux officiers, recevoir les serments de fidélité, constater l'état des domaines des trésors, des recettes, des archives. Puis, de nombreux commissaires royaux apparurent les uns après les autres pour faire l'inventaire minutieux de la succession, pour connaître des réclamations et revendications. Il y eut grande quantité de procès jusqu'en 1285. Beaucoup, il est vrai, furent terminés à l'amiable. Les sénéchaux du roi bâtirent des bastides ou villes neuves qui devaient au roi leurs châteaux et leurs privilèges. Le fils de Saint-Louis reparut au milieu de toute cette procédure. Scrupuleusement fidèle à des promesses antérieures, le roi fit remettre le comte Avesnin au pape, Lagenais au roi d'Angleterre. On peut se demander si sous Philippe le Bel les choses se seraient ainsi passées. Si le règne de Philippe le Hardi a réalisé de la sorte une réunion préparée depuis longtemps, il en a préparé une autre qui ne devait se réaliser que quelques années plus tard. Nous avons vu qu'il fit épouser à son fils et héritier l'héritière du comté de Champagne et du royaume de Navarre. Lorsqu'en 1284, Jeanne de Navarre eut été émancipée, le fils du roi put se dire, par la grâce de Dieu, roi de Navarre, comte palatin de Champagne et de Brie. Bien d'autres acquisitions furent faites encore en ces 15 années de règne. C'est le comté de Guînes, c'est Harfleur, avec une série de terres avoisinantes, c'est la baronnie de Montmorillon, etc. Il fut conclu des échanges avantageux. Enfin, des mesures de détail, à la fois habiles et envahissantes, préparaient pour un avenir prochain la réunion des deux grandes villes, Lyon et Montpellier. Progrès du pouvoir royal. Fondée sur cette puissance territoriale chaque jour agrandie, la royauté achève de dominer les deux redoutables forces sociales qui l'entourent et jadis l'étouffaient, Église et féodalité. Sous Philippe III, l'Église, cette reine du Moyen-Âge, commença à gémir du pouvoir excessif du roi. C'est qu'elle commençait à mieux sentir cette autorité jalouse et sûre d'elle-même. Le roi est jeune et n'aime pas l'Église autant que son père avait fait, dit un chroniqueur de Limoges. Les provinces de Narbonne et de Bordeaux ont protesté d'une manière collective. Le concile de Bourges se plaint. Les papes Grégoire X et Nicolas III se lamentent. Au fond, cependant, il n'y a rien de bien nouveau. C'est la politique déjà suivie par Louis IX, un mélange de protection et de commandement. Ainsi, la garde royale, qui protégeait les abbayes, assurait leur vie tranquille et recueillie, s'affirme et se répand de tous côtés. Mais le pouvoir royal procède en même temps avec vivacité contre cette masse de gens tonsurés, clercs pour la forme, mariés, commerçants, vagabonds, qui circulent à travers le royaume et prétendent échapper à la justice du roi. Il leur est interdit de porter des armes, 1278. Ceux qui sont mariés et marchands seront soumis à la taille, déchus de leurs privilèges de juridiction, 1274. De là des tempêtes dans le clergé, auxquelles une partie de sa clientèle judiciaire allait échapper. Ce Philippe, dit encore la chronique de Limoges, commence à grever les églises à propos de leurs acquêts. C'est une allusion à l'amortissement, ou droit perçu par le roi sur toutes les acquisitions immobilières de l'église, qui, pour la première fois, fait l'objet de règlements généraux. La première ordonnance est de 1275. Elle étend l'amortissement royal à tout le royaume, sauf les terres des pairs laïcs et ecclésiastiques, et de 5 puissants comtes. Le droit montait, selon les cas, à 2 ou 3 années de revenus. Quant à la féodalité, tout en étant très respectueux des droits acquis, Louis IX l'avait profondément atteinte par l'interdiction des guerres privées, l'abolition du duel judiciaire dans le domaine et l'extension de l'appel royal. Philippe III fut encore guidé, dans certains cas particuliers, par les scrupules paternels. C'est comme un dernier reflet d'un état d'esprit qui disparaît. Mais, en général, son gouvernement s'efforce de poursuivre les réformes, ruineuses pour la société féodale, qu'avait inspirées à Saint-Louis la justice, plus forte chez lui que tous les scrupules. Philippe fut en effet très sévère pour la paix et l'ordre. La chronique de Rouen dit qu'il fut très cruel sur la chevalerie. Les comtes de Foix, d'Armagnac, le vicomte de Narbonne, furent châtiés rudement. Des ordres très précis, bien que souvent inefficaces, furent donnés pour faire respecter l'assurement. Philippe III parut plus indulgent pour le duel judiciaire. Beaumanoir raconte un duel qui eut lieu à Vincennes. Au temps où il écrivait, les deux adversaires se combattaient tant comme il plut au roi que paix fut faite. Il aimait les tournois. Tour à tour, il les défendit et les autorisa. C'est ainsi qu'il laissa célébrer, en 1279, des fêtes chevaleresques inouïes. L'appel, au contraire, fonctionne avec une régularité chaque jour plus grande. Bien d'autres faits prouvent encore la vigueur et le progrès de l'autorité royale. C'est l'ordonnance de 1274 qui inflige de grosses amendes à ceux qui ne viennent pas à l'ost. C'est l'ordonnance de 1275 qui autorise les hommes de Poest à garder les terres nobles, qui revendique l'amortissement comme droit royal, sauf de très rares exceptions. C'est une ordonnance somptuaire de 1279 avec amende pour les ducs, comtes, bannerets et bacheliers, qui dépasseront un certain nombre de plats par repas et d'habits par saison. Est-ce alors que fut entamé pour la première fois le privilège nobiliaire par l'annoblissement de Raoul l'Orfèvre? La question est douteuse, mais la chose n'est pas anormale. Si elle fut faite, elle ne dut causer ni étonnement ni scandale. Ainsi, sous ce règne d'aspect incolore, longtemps dédaigné des historiens, l'œuvre royale s'est poursuivie avec une constante activité, entraînant les hommes, développant les germes du passé avec une sorte de fatalité. Cette continuité nécessaire des efforts et des résultats est la loi de toute l'histoire des Capétiens. Fin de la section 1.